Ouais. Big Ops. Africa Ghetto. Inaco. GG. TC. SO Jack Zerus. Hein? Dakar Sam. Dios mio. Big Ops. Ouais. Gang. Hein? Big Ops. OBS. L5. T'as capté ou pas? Je suis en équipe, comment ça mon négro ne peut pas te voir? Ce que je prépare, t'as pas envie de le savoir. Askip, t'as des packs. Négro, Askip, paraît, t'as des tags. Je te trouver comme un passoir. La plupart des petits rap nice, c'est mes fistons. On a les pistolets, pas de fight, nous on viston. Crâne de fils de pute, pas de vine, pas de dicton. Que du vécu, négro, je suis en année, pas de piston. Tu me connais, je suis dans le biz et j'ai trop faim. Tu me connais, je veux les gros billets, pas les gros seins. Ok, fils de putain, toi, Askip, paraît, t'es pro, hein. Si ces négros posent blême, négro, on les cross plein. Ça va piquer ta go comme le pili pili. Petit quand je te fais galoper et saut il est pili. On trouve pas les guillemets mimi. Galsen, négro, rien à foutre du Mississippi. Fuck ton plug, nous on a les bonnes là-haut. Galsen, c'est ghetto, c'est pas comme là-haut. Fais le tour, Mermoz, Yof, Almadi, Parcel, Jupel, négro, d'aller fort Mbao. Sans francs, c'est pas comme Tao. Négro, Aster, il nous faut du gros cash. J'ferai pas de biscard, tu es trop lâche. Envie de te cross-car, tu fais trop le boss-car. Va te faire foutre. Tu peux rien m'apprendre, ne me parle pas parce que tu es trop con. Big Ops, il est dans le business depuis longtemps. Test moi, je modifie ton colon. Négro dans le business depuis longtemps. On se presse pas, mon négro, chacun son temps. Ah ouais, mon négro, il faut encaisser des gros montants. Suce personne, je vois que chacun a pris son camp. Tout ça c'est vrai, mais y'a pas de bourbier tant con. Fais les bails propres qu'ils sachent, j'ai mes crampons. Si t'entends, partage ça de tes putains d'oreilles. Mon négro, enlève tes tampons. Fais le camp, je suis pas naïf. Fais le camp, je suis pas naïf. Fais le camp, je suis pas naïf. Je fous manger comme du maïs. Enoch au Mobutu, pour te proclamer roi. Je vous nique vos races. Enoch Lumumba. Enoch Duvalier, Papa Doc. Enoch Vladimir Poutine. Envahit l'Ukraine. Enoch Chinois. Envahit la Taïwan. Enoch Rebelle. Massacre, Sierra Leone. On importe l'opium pour supporter le régime Daesh, Darkaoui et Nog. Mais non, investis dans les lance-roquettes pour ces négros. Investis dans les armes d'Irak pour ces négriles. On achète le peupon grillé pour ces gorilles. On envoie la pyro via un AK Santana. On a besoin plus d'armement pour mes soldats. Caporal Capo, mes nègres sont prêts. Caporal Capo, mes nègres sont prêts. Les bazookas sont rangés israéliens. Les déserts Eagle comme Juvie. NRM, NRA, SO Blackjack. OV, chancelier, allez recule, recule, recule, recule. Sors les flingues, on sort les peupons. Sale ou pas, vas-y gratte-toi. En direction de ces nègres, on va leur arracher la tête. Découpe leur tête. Tout ce qu'on a c'est gros machin. Banana clip, banana Uzi. Kalash, Nikon, Kalash. Dans vos gueules, maintenant vous ne parlez plus. Chinois. Négro dans le business depuis longtemps. On se presse pas, mon négro, chacun son temps. Ah ouais, mon négro, il faut encaisser des gros montants. Suce personne, je vois que chacun a pris son camp. Tout ça c'est vrai, mais y'a pas de bourbier tant con. Fais les bails propres qu'ils sachent, j'ai mes crampons. Si t'entends, partage ça de tes putains d'oreilles. Mon négro, enlève tes tampons. Fais le camp, je suis pas naïf. Fais le camp, je suis pas naïf. Fais le camp, je suis pas naïf. Fais le camp, je suis pas naïf. Je fous manger comme du maïs. Hein? Allez, suce ailleurs, je suis Dieu. L5 Gang OBS Ouais TC SO Jack Zerus. Hein?